quand ton grand-père faisait fumer des crapauds. Le monde n'était pas très beau. Quand ta grand-mère coupait les cheveux de ses poupées, la planète était en danger. Il y avait la guerre froide, le lait dans les bouteilles, Marilyn Monroe avec John Kennedy, les premières fusées, le règne des curés, G.I. Joe et Barbie, et puis Brigitte Bardot. Mais heureusement, Elvis était encore vivant. Papa avait les cheveux jusqu'aux fesses. Le monde vivait une grande détresse. Quand ta maman portait des bottes de construction, il y avait pas mal d'actions. Avec Richard Nixon, Trudeau, Fidel Mao, le chat d'Iran, la crise du pétrole, Léonid Brejnev, Valéry Giscard d'Estaing, Tito Wilbram, les danseurs du ciel. Malheureusement, Elvis était devenu gros tard. Quand ton grand frère avait une montagne de cheveux, le monde était à genoux devant Jean-Paul II. Quand ta grande sœur était toute vêtue de fluo, le mur de Berlin tombait en morceaux. Il y avait Gorbatchev, Thatcher et puis Reagan, Windows et Macintosh, la Yagola Comini, Tony Blair, Clinton, la guerre des Malouines, Tchernobyl, le sida, mais quel malheur! Lui s'était décomposé. Aujourd'hui, tu as des anneaux dans le nez. La situation reste inchangée. Ta sœur est tatouée de la tête aux pieds, et l'environnement se fait massacrer. Il y avait Ben Laden, l'internet, le sel, papa et bébé Bush, les talibans de moins 16. Les joies franchies, la planète réchauffée, Sarkozy et Poutine, la grippe et du poulet. Comme c'est triste, on a cloné Elvis.